En signe de félicitations à la réussite au lancement expérimental de la fusée balistique intercontinentale de type façon 14, le parti Zatia, la Ligue populaire et l'Institut des idées du Tutsi du Bangladesh ont publié une déclaration commune. Les partis politiques bangladais ont exprimé de la ferme conviction que le peuple coréen renforcera davantage la puissante dissuasion nucléaire pour la souveraineté du pays, le droit à l'existence de la nation et le bonheur de la postérité, malgré les pires défis américains et des forces hostiles, afin d'obtenir la victoire finale dans la confrontation anti-impérialiste et anti-américaine et l'édification d'une puissance socialiste.